Janina d'Arsène Houssaï. Chapitre 1er. La scène se passe au beau milieu du tout Paris, boulevard Malesherbes, dans un somptueux appartement. Madame s'ennuie dans sa chambre à coucher et s'impatiente en voyant la pendule, qui lui semble marcher à rebours. Elle caresse son beau lévrier et regarde par la fenêtre, mais il ne vient pas. Heureusement, elle entend résonner le timbre. « Oh, qui que tu sois, j'attends. » Et, pour commencer, qu'est-ce que madame ? C'est une jolie jeune femme qui soupire sur 3 années de mariage. Son mari est charmant quand il est là, mais il n'est jamais là. Pourquoi ? Puisque sa femme est charmante. Une douce pâleur légèrement bistrée sous les yeux, des lèvres rouges qui ne sont pas peintes et qui ont faim, la passion les agite, comme les ailes du nez, qui est d'un millimètre trop court mais qui est bien dessiné. Les lèvres, qui ne se touchent pas tout à fait, permettent de voir comme dans un écrin des dents qui voudraient mordre. Le menton s'accuse un peu trop. Mais quelle adorable volupté dans les ondulations du cou, sous les vagues rebelles des cheveux noirs. Si nous étions au bal, nous en verrions bien d'autres. Je pourrais peindre tout à loisir, puisque je le verrais, le sein provocant de Janina, c'est le nom de la jeune mariée. Je pourrais peindre les épaules et les bras dans toute la volupté de leurs frémissements, brûlés par les flammes vives de la valse. Mais Janina étant chez elle et non chez les autres, je ne veux pas être indiscret. Cependant, le valet de chambre annonce Madame Hamilton, une Américaine francisée qui court le monde parisien à toute vapeur. Elle n'a pas une seconde à elle, tant elle est à ses bonnes œuvres. Elle se jetterait au feu pour faire le bien, si elle avait le temps. Ses bonnes œuvres sont de plus d'une sorte. Curieuse comme Ève, elle veut être de tout. Prenant sa part des chagrins comme sa part des joies, elle brouille les amoureux, sauf à les raccommoder. Elle ne permet pas qu'on fasse rien sans elle. Celle-là n'est pas jolie. Voilà pourquoi sa vie est occupée pour les autres. Elle entre chez Janina comme une petite bourrasque. « Ah, ma chère amie, tu ne sais pas ce qui m'arrive. »« Mais, que vois-je? Tu as pleuré. » « Es-tu folle de ne pas prendre gaiement la vie dans une si jolie chambre à coucher ?» Cette chambre à coucher était tendue de peluches bleues piquées de broderies Louis XIII. L'ameublement contrastait, puisque c'était du pur Louis XVI, en bois laqué blanc, filet rose tendre ou bleu de ciel, dans le ton du plafond légèrement azuré et semé de nuages touchés par l'aurore. Madame Hamilton embrassa Janina. « Comment, m'amour, tu t'ennuies ici ?» Ah, si j'avais comme toi ce beau lit estradé à baldaquin, cette armoire à 3 battants où tu peux te voir 3 fois dans les glaces biseautées, et ce secrétaire pour écrire de ton style à la Sévigné, et ce chiffonnier pour cacher tes lettres, heureuse femme. Janine soupira. Ah oui, c'est un paradis, mais dans ce beau lit il manque un homme. Si je me mire dans ces 3 glaces, c'est pour voir mon chagrin. Ce secrétaire ne me sert qu'à écrire à moi-même des pages folles que je cache bien vite dans ce chiffonnier. Mais je n'ai peur de rien. J'ai pleuré toutes mes larmes et je me vengerai. Voyons, voyons, ma Janina. 1 million de dots, une figure d'ange. Et ton mari te trompe. Mais n'es-tu pas vengée en pensant qu'il te trompe avec une drôlesse sans orthographe, celle qu'on appelle la faramineuse? Hélas! À quoi me sert-il de savoir la grammaire? Si ce n'est à conjuguer le verbe « je souffre » à tous les temps. Ne te désole pas, nous arrangerons cela. Un silence. Que veux-tu que je fasse? J'ai tout tenté pour reconquérir Fernand. Il est affolé par cette fille. Ah, quel est donc son secret pour l'enchaîner ainsi? L'amour n'a pas de secret, c'est l'amour, voilà tout. Et quand on pense qu'on a supprimé les lettres de cachet, ah, si j'étais roi, comme j'enverrais toutes ces coquines à Saint-Lazare. Il est vrai qu'il n'y a plus de place. Encore un silence. Tout d'un coup, Madame Hamilton bondit sur son fauteuil comme la pythonisse sur son trépied. « Eureka !» pour dire un mot grec en latin. « Tu as trouvé ?»« Oui. Dans les naufrages, il faut tout risquer. Puisque de spa à l'hôtel du Louvre, où il n'y a jamais de Parisien, car ce n'est pas comme au grand hôtel. Tu écriras à la faramineuse. On dit qu'elle s'appelle Caroline Bertin. Tu la prieras de venir te trouver pour une affaire qui t'intéresse. N'oublie pas de signer ta lettre, princesse Pachinska ou Pachinskov. » Eh bien, quand j'aurai cette fille sous la main. Je sais bien que tu auras envie de la mettre en pièces, mais il faudra que tu aies le courage de lui sourire. » À cet instant, le valet de chambre annonça la comtesse d'Auriac, une femme austère, qui ne riait plus, peut-être parce qu'elle avait trop ri. Sur quoi, Madame Hamilton salua et s'éloigna en toute hâte. « Pardonnez-moi, madame, » dit Janina à la nouvelle venue. « Je cours après cette folle, car j'ai un mot à lui dire. » La jeune mariée rejoignit Madame Hamilton, qui lui dit en quelques mots ce qu'elle devait faire à l'hôtel du Louvre. « Tu es toquée, » dit Janina, en éclatant de rire pour cacher ses larmes.